Il est 3h du mat, comme d'hab, je reviens de chez mon pote, croise un type qui mate et me demande t'as pas une clope. Ce gars avait l'air bizarre, mais bon je trace ma route. Pourquoi porte-t-il des gants et un 3/4 en plein mois d'août, rien à foutre. Je continue à tracer en scrutant les murs. Quand l'occasion se présentait, je posais une petite signature. Jusqu'à ce que j'aperçois cette femme juste devant moi. Elle devait sortir de boîte d'un appart, enfin je crois. Se tenant droite, avait l'air froide. Il me demande ce que je regarde. Sans répondre, j'accentue le pas. En restant sur mes gardes, je passe pour un malade, tant pis. Tant que je reste en vie, elle avait l'air sortie. Tout droit, roseraie, toute mi-chemise. J'avais l'impression d'être suivi et que des cris venaient derrière. Je me retourne, pas un bruit, rien, personne sous les réverbères. Donc je continue à marcher dans ces ruelles sombres. Mes pieds s'en mêlent dans mes lacets, comme un abruti, je tombe. Ok. Donc là, tu te casses la gueule. Je suppose, tu te relèves, tu te remets à courir. Et pendant ce temps-là, tu vas me dire que t'as rien vu, t'as rien entendu? J'ai entendu une femme crier à l'aide et couru en sa direction, qui me mène dans une rue parallèle près d'une bouche d'aération. Je perçus entendant l'oreille les chuchotements d'une conversation. Croyez-moi, ce n'est pas le fruit de mon imagination. Ton imagination, j'en ai rien à branler. Bon, supposons que je te crois. Les tueurs, tu peux nous donner leur signalement? Hein? D'abord, hein, combien ils étaient tes tueurs? Attendez quoi? Je ne sais pas, ils étaient deux. Parlez assez peu, je fais du bruit en m'approchant d'eux. Une fois de plus, t'es malchanceux. Oui monsieur, j'ai pris la fuite jusqu'à m'essouffler. Pourquoi n'ai-je pas appelé les flics? Sans doute parce que j'étais troublé. Je perdis la perception du réel et de la fiction. J'ai agi par instinct de survie sans me poser de questions. Croyez-moi, j'en suis pas fier. Je sais que c'est un tort. En courant, je croyais sans doute que je semais ma mort. Oui, la peur me terrorise. Attends. Les témoins t'ont vu. Tu courais. T'avais un truc à la main. Et là, tu viens me balancer ton laus sur des mecs que personne a vu? T'es le principal suspect de l'affaire. Attendez, mais je rêve ou vous m'accusez du crime? Wow. Qui t'a parlé de crime? Tu t'enfonces? Écoutez, je t'écoute. Je sais que j'ai le profil du coupable, mais je vous assure que dans l'affaire, je suis irréprochable. Oui, c'est dur à croire, mais je courais pour fuir. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir, car j'ai eu peur de mourir. Peur de mourir? Alors qu'on parle d'un crime, tu trouves pas ça paradoxal? J'en ai marre des salopards comme toi, espèce de gros taré. Tu veux nous la faire avaler ta pilule, t'as buté une gonzesse qui sortait de chez elle. Vous perdez votre temps, les vrais coupables courent encore les rues et vous verrez. Vous regretterez de pas m'avoir cru la vérité. C'est que j'ai la tête du bouc émissaire. Non, je ne plierai pas sur vos méthodes et pressions policières. Oui, je suis innocent, aucune preuve peut le contester. Allez-y, cherchez, continuez à enquêter. Ouais, on va enquêter avec ou sans ton autorisation. En attendant, tu vas aller raconter tes conneries au juge. Jérôme, fous-moi ça au jaune.